Qu'est-ce qu'il faut sur un bateau? Faut des marins costauds, des petits et des gros. Faut des gars bien trempés, faut bien savoir nager. Car la Marie Jolie n'est pas un canoë. Oh, ouais, voilà tout ce qu'il faut. Hissez les voiles et cap sur Saint-Malo. Qu'est-ce qu'il faut sur un bateau? S'occuper de féroces et gros rhinocéros. Les marins en pleine mer ont autre chose à faire. Tant pis s'il a la frousse, à la cale faut un mousse. Un mousse, voilà tout ce qu'il faut. Hisser les voiles et cap sur Saint-Malo. Vite mon gars, t'as la frousse, t'as même peur pour t'éclabousse. Si t'étais dans la brousse, là ça serait moins rigolo. Oh, oh, oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il faut sur un bateau? Quand des pirates en nage vous prennent à l'abordage. Quand on n'a pas de canon, faut de l'imagination. Pete libère les rhinos et les pirates s'en vont. Sur l'eau, voilà tout ce qu'il faut. Hissez les voiles et cap sur Saint-Malo.